dire que si j'en jumeille, la vengeance s'amorce. Ils cherchent pas à nous comparer, on restera hostile, c'est la guerre qu'on vient déclarer.